Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. En espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala que la connexion sera aussi bonne qu'hier. Hier, alhamdulillah, il n'y a pas une l'once d'une coupure. En espérant que l'on sera de même aujourd'hui. Inch'Allah. Donc là, pareil, on va poursuivre dans la lecture de ce livre, basé sur 200, ou à peu près un peu plus de 200 questions-réponses, « Fi al-aqida al-islamiyyati sahiha ». Non. Et là, nous sommes toujours dans ce qui concerne les choses de l'au-delà, après la mort. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au Nashr al-Suhuf, qui est le déploiement des registres. Les registres qui contiennent tous les faits du serviteur. Parole. Actes. Et même les intentions mauvaises qui ont abouti à un acte. Ou des intentions qui ont abouti à un manque de sincérité. Tout cela, on en rendra des comptes. Les intentions ou les pensées qui elles ne sont pas prises en compte sont celles qui n'amènent à aucune parole et qui n'emmènent à aucun acte, tant que la personne les garde pour elle. Mais par exemple, les gens qui ont fait preuve d'hypocrisie, taïeb, ou qui ont fait un acte sous apparence bonne, mais avec une intention mauvaise, eux, ils seront jugés pour cela. Non. Cela entrera également dans les registres. Nasallallahu al-ikhlas wa sidq fi kulli al-ahwal al-batina wa al-zahira. طيب, là on va poursuivre. Fi as-su'al al-thani wa 20 ba'd al-mi'a. Obel al-thalith wa 20 ba'd al-mi'a. 123e question. Madalil wa sirat min al-kitab. Donc maintenant, il va parler du sirat. C'est le pont qui est dressé au-dessus de l'enfer. Ce fameux pont que nous connaissons tous et dont nous devons tous craindre la traversée. Et celle-ci se prépare dès maintenant. Fi hadhihi ad-dunya. C'est maintenant qu'on prépare la traversée du pont. Pas qu'on sera devant. C'est maintenant qu'on doit faire les actes qui nous permettront d'être parmi ceux qui réussiront le passage. Qala Allah Azza wa Jal. وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَدِيًّا ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَظَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Dans le sens où Allah dit, et tous traverseront ce pont, personne n'y échappera, tout le monde. Et en fait, là dans le verset, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, en fait c'est le fait de passer par le feu de l'enfer. En réalité. Mais ce feu, comment on y passe? Par ce pont qui sera au-dessus. Et il s'agit là d'une sentence irrévocable de ton Seigneur. Il a dit ensuite, nous secourons ceux qui ont cru et nous y laisserons ceux qui ont été injustes. C'est-à-dire que ceux qui ont cru échapperont à ce feu de l'enfer par le passage. Quant aux injustes, ils tomberont dans l'enfer. Wallahi azabillah. Surat Maryam, verset 71-72. Et Allah dit, « Yoma tara al-mu'minin wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi-aymanihim. » Le jour où tu verras les croyants et les croyantes avec leur lumière de devant eux et sur leur droite. Al-Hadid, le fer, verset 12. Et il s'agit du jour justement où les croyants traverseront le pont. Ce pont, il sera dans l'obscurité et les croyants seront éclairés par leur foi. Ils auront une lumière devant eux par leur foi, de devant et sur leur droite. Alors que celle des koufars, des munafikoun, sera éteinte. Donc ces deux versets, même s'ils ne sont pas explicites, indiquent le passage sur le pont. Et ils sont appuyés par des ahadiths et par des paroles de sahaba. Yaqoul fi sawal arabiyya wal 20 ba'd al-mi'a. 124e question. Ma dalil dhalika wa sifatuhu min as-sunnah. Donc maintenant il dit c'est quoi les preuves de la sunnah Et quelles sont les caractéristiques de ce pont ? فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. Dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on apportera le pont et qu'il sera placé au-dessus de l'enfer. Donc le hadith lui-même, il est clair. Il est rapporté par le Bukhari et Muslim et Ahmed également. Qulna ya Rasulallah wa mal jisru qala قال مدحتة مزلة عليها خطاطيف وكلالب حسكة مفلتحة لها شوكة عقيفا تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخير والركاب فناجح مسلم وناجح مخدوش ومكدوس في النار جهنم حتى يمر آخرهم يصحب صحبا. Selon Abu Saïd al-Khudri. Donc les gens, ils ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant, c'est quoi le pont ? Quel est ce pont ? Il a dit, c'est un pont qui est très glissant. Autour duquel on verra des pinces, comme des pinces, et des boules avec des épines dessus, immenses, qui seront là pour nous saisir et pour nous piquer ou pour nous griffer. Et il a comparé justement ces épines à une plante qu'on trouve dans le Najd. Neige, c'est une partie en Arabie Saoudite, des plantes qui s'appellent sardane. Masalan, tu vois sur Google, tu tapes en arabe sardane. C'est Sin, Ain, Del, Alif et Nun. Et tu verras à quoi ressemblent ces plantes. Et tu verras, c'est comme une boule avec des épines. Et donc cela, les choses qui viendront pour tirer le serviteur sur le pont ressemblent à cela. C'est une approche pour que la personne voit à peu près à quoi ça ressemble. Sauf que sardaines, en ce bas monde, elles sont petites. Elles font peut-être la taille de... plus petite que la paume de la main. Celles du pont, elles sont énormes. Elles sont immenses. Et il dit que le croyant traversera ce pont de différentes façons. Certains seront aussi rapides que l'éclair. Comme on disait au début du Ders, c'est dès maintenant que ça se prépare, cette traversée. Par leurs bonnes actions et par leur tawfiq, ils seront des gens sur l'islam authentique, croyance authentique, qui auront fait des bonnes œuvres en ce bas monde. Allah Azza wa Jalla va les sauver ce jour-là en faisant en sorte qu'ils traversent le pont à la vitesse de l'éclair. D'autres le traverseront à la vitesse du vent. Et d'autres, comme les montures les plus rapides, les chevaux les plus rapides. Et parmi eux, certains seront épargnés. Ils passeront en étant épargnés. Et d'autres seront griffés justement par ces pinces et par ces épines. Et d'autres seront brûlés par le feu. C'est-à-dire, ils passeront le pont, mais pas indemnes. Et d'autres seront tirés pour le tomber dans le feu de l'enfer. Certains seront attrapés par ses pinces ou seront agrippés par ses épines et finiront par tomber dans le feu de l'enfer. Et Abu Saïd al-Khudri, il dit « Balagani an al-jisr adak min al-sha'ra » ou Ahad ibn Saif. Et Abu Saïd, il dit que ce pont est encore plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'un sabre. Donc réaliser de passer sur ce pont au-dessus de l'enfer, un pont aussi fin qu'un cheveu, glissant et aussi affûté qu'une lame, avec des obstacles et avec ses pinces et ses épines sur les côtés qui agrippent les gens. Et en dessous, c'est le Jahannam, c'est l'enfer. Subhanallah. قال في السؤال 25 بعد المئة 25e question ما دليل القصاص من الكتاب. Donc maintenant il dit c'est quoi les preuves qu'il y aura le talion, c'est-à-dire que les gens rendront des comptes envers les créatures qu'ils ont offensées et qu'ils ont lésées. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Que Allah ne lésera personne, ne serait-ce que d'un poids de moutarde. Et si, même s'il s'agissait d'une bonne action, Allah va la décupler. Et il apportera de sa part une grande récompense. An-Nisa, verset 40. Donc personne ne sera lésé. Et voire même que les bonnes actions seront décuplées. Encore le Ta'ala. Al-Yom, tujzaa kullu nafsin bima kasabat, la zum al-Yom. Qu'aujourd'hui, chacun sera rétribué en fonction de ce qu'elle aura œuvré. Et personne ne sera lésé ce jour-là. Il a qu'olihi, Wallahu yaqdi bil haq, que Allah juge par la vérité. Allah tranche par la vérité. Personne ne sera lésé. Aujourd'hui, tu vois les gens échapper à la justice humaine. Combien d'injustes font des crimes du matin au soir et malgré cela, ils échappent à la justice humaine. Mais ce jour-là, personne n'y échappera. Wallah, s'il n'y avait pas ce jour qui était décrété dans la religion, la vie n'aurait pas de sens. Tout le monde pourrait faire le mal qu'il veut en disant, la justice humaine, je peux y échapper, en payant en pot de vin, ou en me cachant, ou en faisant ceci ou cela. Mais cette justice-là, personne n'y échappera. Personne. Donc elle est là pour nous rappeler à nous, si on ne veut pas justement subir la sentence qui sera pire que celle qu'il y a en ce bas monde, dès maintenant il faut être juste. Fi hadi dunya, nabda bil adl. On doit être juste et équitable dès maintenant. Et qui sera jugé entre eux et que personne ne sera lésé. وقال في السؤال الثالث والعشرين بعد المئة 26e question ما دليل القصاص وصفاته من السنة. Donc maintenant c'est quoi la preuve de ce jugement qui aura entre les gens et à quoi ressemblera-t-il dans la sunna parmi les ahadith. قال فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qui sera tranchée entre les gens, ça sera le sang, les vies. Qui a tué qui? Qui a blessé qui? Qui a lésé qui? La première chose sur laquelle sera interrogé le serviteur dans le droit d'Allah Azzawajal, c'est la salat. Et ce qui touche aux gens, c'est les vies, le sang, et également les biens. Et le hadith, c'est le muttafaqun alayhi. وقوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فيتحلل منه اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Il a dit que celui qui a fait du mal à quelqu'un en ce bas monde, qu'il s'en délie dès maintenant, qu'il rattrape ce mal dès maintenant. D'accord? Car ce jour-là, le jour du jugement, il n'y aura plus d'argent à donner. Il n'y aura plus de compensation. Il n'y aura plus de dédommagement matériel à faire. Voyez, avant que l'on ne prenne justement de l'injuste, on prendra de ces hasanettes pour les donner aux lésés. Et si jamais les hasanettes sont épuisées, alors on prendra des seyyats, c'est-à-dire des mauvaises actions du lésé, pour les donner à l'injuste. Pourquoi? Afin de qu'il puisse payer le mal qu'il a fait. Donc c'est dès maintenant qu'Azali qu'il faut se délier de cela. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as lésé quelqu'un. Tu étais injuste et tu en es conscient. Et tu sais que tu as fait du mal. Dès maintenant, il faut s'en délier. Calomnie, mensonge, médisance, taïeb, vol, coup porté injustement, insulte, proféré injustement et autres. Tout cela, c'est en cette dunya qu'il faut s'en délier, en demandant pardon à la personne si elle a été mise au courant. Et si elle n'a pas été mise au courant d'une médisance ou quoi, alors voir les gens auprès de qui on a médit pour leur dire et rattraper. D'accord? Ce n'est pas la peine d'aller voir la personne sur qui tu as médit pour lui dire « j'ai médit sur toi, je m'excuse ». Là, tu vas encore plus s'énerver, il va dire « qu'est-ce que tu as dit sur moi ?» S'il n'a pas été mis au courant, ne va pas le voir pour le dire. Mais va voir les gens qui t'ont entendu parler pour rattraper et rectifier ce que tu as dit. Même si ce que tu as dit c'était vrai, tu ne veux pas le dire, va rattraper. D'accord? Rattrape ce que tu as fait. Car parmi justement les conditions de la Tawba, quand il concerne en ce qui est entre le serviteur et Allah Azzawajal, elle a trois conditions. D'arrêter sur le champ, de regretter et d'avoir la détermination de ne plus recommencer. Aza fima yakun bin al-abd wa bin rabbihi. Maintenant, si jamais ce péché concerne le droit de quelqu'un, il faut alors se délier de ce droit. En plus, sans quoi une tawba, après avoir lésé quelqu'un, elle n'est pas acceptée si la personne n'a pas réparé le mal qu'elle a fait. Wa kullun bihasabi. Chacun en mesure du mal qu'il aura commis par rapport aux autres. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yakhlasu al-mu'minu min an-nar fayujlasuna ala qantira بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. Il a dit lorsque le serviteur échappera au feu, il sera placé à un endroit qui se trouve entre justement le feu et le paradis. Et de là, il sera tranché entre chacun pour le mal que chacun aura commis envers autrui. D'accord ? En ce bas monde. Et seulement une fois que ce jugement sera accompli et que chacun aura pris son droit, là, il sera rendu et il sera permis aux gens d'entrer au Jannah. Pour ceux qui doivent entrer au Jannah et passer au feu, pour ceux qui doivent passer. C'est-à-dire, il retourne au feu. La personne qui pense qu'elle est échappée, non, il reste encore une étape qui est justement ce jugement qui est entre toi et les gens. Rapporté par Ahmed. Et toutes ces choses-là qu'on cite, c'est quoi l'ordre ? Parce que des fois, ça peut être contradictoire. Il y a un ordre et il y a des situations qui ont lieu à un autre moment que d'autres. Et tout cela demande de joindre entre les textes. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'incohérence. Il y a un ordre. Mais les ulama même, l'ordre, ils ont eux-mêmes divergé. Parce qu'on n'a pas un texte qui dit, il y aura 100 en premier, 100 en deuxième, 100 en troisième, 100 en quatrième. Même le pont, ils ont divergé quand est-ce que le pont aura lieu, la traversée du pont. Certains disent c'est avant l'entrée au paradis. D'autres disent non, c'est avant, et ainsi de suite. Voyez, parce qu'on n'a pas de texte explicite qui donne l'ordre des choses, en soi. Donc des fois, les gens peuvent dire, mais c'est contradictoire. En fait, non, c'est pas contradictoire. C'est juste que l'ordre exact, précis et indiscutable, on ne l'a pas. Il y a des moments où Allah Azzawajal va interroger les gens. Et d'autres versets qui disent que ce jour-là, les gens ne parleront pas. C'est quand ça ? C'est un autre moment. D'accord ? C'est un autre moment. Donc il n'y a pas de tanakut dans les nusus. À bien comprendre cela. 127e question. Ma dalil al-haud min al-kitab. Donc maintenant, c'est quoi l'épreuve du bassin ? Le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on avait pris dans les douze précédents, que cela est parmi ses spécificités, qu'il a un bassin. Des textes sont venus des hadiths faibles pour dire que chaque prophète a un bassin, mais ces textes ne sont pas authentiques. Donc ce qu'on a comme texte authentique, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a un bassin. Il a un bassin. Et ça, les croyants sur la sunna pourront y boire. Les koufars ne pourront pas y boire. Et les innovateurs ne pourront pas y boire. Ils seront rejetés du bassin. Donc, kazalik, ceux qui sont au bord de ce bassin-là, c'est dès maintenant qu'ils doivent s'y préparer en étant sur le stikama, tam, sur la bonne croyance et les bons actes, en conformité avec la sunna, pour pouvoir boire de ce bassin. Yom al-Qiyam. Incha'Allah ta'ala. Qal, donc dans le Coran, où est-ce que ce bassin est cité ? Qal Allah Azza wa Jal, inna a'tayna al-kawthar. Dans surat al-kawthar, lorsque Allah dit, nous t'avons donné le kawthar. Le kawthar, c'est un fleuve qui est au paradis et qui se déverse dans le haoud, dans le bassin. Le kawthar dans le tafsir, ça a été défini comme étant al-khayr al-kathir fi dunya wal-akhira, qui est le grand bien qui est en ce bas monde et dans l'au-delà. Mais également, ce kawthar, c'est un fleuve dans le jannah qui se déverse dans le haoud, dans le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وفي السؤال الثامن والعشرين بعد المية صفحة question ما دليله وصفاته من السنة. Donc maintenant, c'est quoi dans la sunna l'épreuve de ce haud, de ce bassin, et à quoi est-ce qu'il ressemble? يقول فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض. Donc les hadiths sont très nombreux, très nombreux, et parmi eux le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit je vous devancerai Tayyib, à mon bassin. Le hadith, c'est le mutafakun alayhi. Il sera au bassin avant nous. C'est-à-dire, lorsque les croyants vont arriver au bassin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera déjà présent. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, inni farat lakum wa inni ashhadu alaykum wa inni wallahi lanzuru ila hawdi al-an. Il a dit, je vous devancerai et je témoignerai pour vous. Et je jure par Allah que dès maintenant, je regarde mon bassin. C'est-à-dire que le bassin, dès maintenant, il existe. Il est déjà présent, ce bassin. Tout comme le feu et le paradis existent déjà. Et cela sera dans le prochain dars, Inch'Allah. Ou le hadith, c'est le mot tafakun alayhi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, haoudi masirat shahr, ma'uhu abiyad bin al-laban, wa rihuhu atyab bin al-misk, wa kizanuhu kanujum al-sama, man shariba minhu, falayazma'u abada. Il a dit mon bassin est d'une distance, c'est-à-dire d'une de sa grandeur d'un mois. Est-ce que c'est un mois de marche? Est-ce que c'est un mois de chevaucher? Est-ce que c'est un... On ne sait pas. C'est un mois. C'est-à-dire qu'il est très grand. Et que son eau est plus blanche que le lait. Et que son odeur est plus agréable que celle du misc. Et que ses gobelets pour y boire sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Subhanallah. Et également, il était dit que son goût à Fouen est plus doux que celui du miel, dans une autre version du hadith. Ahlam bin al-Asal. Il est plus savoureux, plus doux que le miel. Et le hadith, c'est le mot de Mutafaqun alayh. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté justement dans le hadith de l'ascension de Al-Mi'raj, il dit qu'on m'a amené vers un fleuve dont les rives sont comme des dômes de perles creuses. Et j'ai dit, oh Jibril, qu'est-ce que cela? Il a dit, c'est le Kawthar. C'est ce fameux fleuve qui se déverse dans le bassin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Taïeb. Donc il y a d'autres hadiths, mais cela suffiront. Donc cette croyance nous est obligatoire. Et ceux qui demandent cela sont des gens d'innovation, parmi les sectes égarées. Taïeb. Donc là, ce dirs s'achève aujourd'hui par ces questions-là. Et Inch'Allah, dimanche prochain, pas demain, dimanche prochain, ce sera une conférence à la place du dirs, suite à une personne qui nous a envoyé un mail dans lequel elle nous fait part de sa situation difficile qu'elle vit due au fait d'être en pays de Kufr et d'être seule et de devoir éduquer des enfants sans soutien de la part du père et d'un mauvais entourage, les conséquences que cela peut avoir sur la vie de la personne. Cette personne voulait un conseil. Ce conseil lui a été prodigué avec le calme de ma chère. Mais j'aurais aimé prendre ce message-là pour en faire un rappel pour nous tous. Pour nous tous. Car je pense que cette situation-là, beaucoup y sont confrontés. Beaucoup la vivent. Partiellement, totalement, on voit peut-être certains peut-être pire encore. Et pour que nos cœurs s'apaisent et qu'on en prenne leçon et qu'on en tire les erreurs à éviter autant que possible, taïeb, et surtout toujours patienter et revenir à Allah Azawajel et ne jamais désespérer. Jamais désespérer. Naam. Taïeb, on a qu'à vivre dans le cadre. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.